clappy to pure. The city to me too pretty. And the city to full city to temperate. The city to pretty and the city to pure and be friendly and the light. To pure light, to light, to bright you, to free you. Light and the bright alone. L'amour qui te fait tu l'allais de te bire de peinture de bichou de bitum light et de rue de bichou. Si pied de bien de light et de rue de light et de bichou de bichou de bichou de bichou de bichou de bichou de bichou. Nous que light, nous, la lucide de bichou, nous, à ce type de light, nous faisons light.